Il y a 3 jours, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. Monsieur X me fixait enfin un nouveau rendez-vous. Il n'avait pu me voir avant car il avait dû effectuer un voyage impromptu à l'étranger, un voyage de la plus haute importance, disait-il dans son message. Alors bien évidemment, quand nous nous sommes retrouvés dans les bureaux toujours déserts de cette mystérieuse société où nous avons nos habitudes, j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur ce voyage si important. Monsieur X a souri et il m'a simplement dit qu'il revenait d'Algérie. Là-bas, m'a-t-il confié, j'ai encore beaucoup d'amis. Et parfois, ces relations privilégiées me valent de rendre quelques services aux autorités françaises, surtout en ce moment. Il n'a pas voulu m'en dire plus, sur son voyage en tout cas, car ce soir-là, nous avons quand même parlé de l'Algérie, de cette Algérie qui était encore française et où, manifestement, M. X a joué un rôle important. Qui faisait-il exactement ? Je ne peux pas le dire avec précision, mais d'après les renseignements qu'il m'a donnés, j'ai cru deviner qu'il devait occuper une fonction officielle, ou non, près du délégué général Paul Delouvrier, et qu'il avait néanmoins gardé des liens très étroits avec le SDEC, les services de renseignement de l'époque. Nous sommes donc en 1960. Et cette année-là, d'après mon interlocuteur, se déroule une des affaires les plus secrètes de la guerre d'Algérie, l'affaire Si Salah, connue aussi sous le nom de code d'opération Tilsit. Pour mémoire, je vous rappelle qu'en 1807, à Tilsit, Napoléon a conclu un traité secret avec le tsar Alexandre Ier. 1960. En Algérie, le général Challe, commandant en chef de nos forces, mène la vie dure au FLN. Les rebelles algériens subissent coup sur coup. L'armée française est en train de gagner militairement. En septembre de l'année précédente, au cours d'une retentissante allocution sur l'autodétermination, le général de Gaulle a clairement indiqué au GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qu'il était prêt à entamer des négociations. Mais à Tunis, les chefs du GPRA n'ont pas répondu à cette invitation et la guerre continue. C'est alors que se met en place l'opération Tilsit. Une opération qui, si elle avait réussi, aurait pu aboutir enfin à la paix. Mais en haut lieu, voulait-on vraiment que cette opération réussisse? C'est l'un des mystères de ce dossier ténébreux. C'est peut-être aussi l'une des explications de la révolte, un an plus tard, de ce quarteron de généraux qui se rebellera contre le général de Gaulle. France Inter, on retrouve Patrick Pénaud pour Rendez-vous avec X. Si vous permettez, avant d'en venir à l'affaire Sisala, proprement dite, j'ai envie de vous parler d'un curieux organisme qui s'appelait le BEL, le BEL, le Bureau d'études et de liaison. Ce BEL était un organisme militaire, un service de renseignement qui était placé sous l'autorité du colonel Jacquin. Un service autonome ? Non. En principe, le BEL dépendait du commandement en chef. Dans les faits, c'était un petit peu plus compliqué. On a vu parfois de simples capitaines donner des ordres à des généraux. C'est vous dire la toute-puissance de ce service qui, la plupart du temps, obéissait directement à Paris, sans en référer d'abord à Alger. Et vous, à la place où vous étiez, vous aviez des lumières sur les activités de ce fameux BEL ? Mais forcément, et puis un jour, je vous raconterai d'ailleurs l'une des plus belles mystifications qui ont été opérées par ce fameux service, une manœuvre d'intoxication du FLN qui est restée dans l'histoire de la guerre d'Algérie, sous le nom bizarre de Bleuit. Un Bleuit, enfin, je connais, on y reviendra. Bon, passons, on en vient donc à Tilsit. L'idée de départ est ingénieuse, puisque le GPRA ne répond pas aux offres de négociation de De Gaulle. Pourquoi ne pas essayer de prendre langue avec les combattants de l'intérieur directement ? Ouais. Ça ressemble à une manœuvre de division. Oui et non. Oui, parce qu'on savait que les relations n'étaient pas bonnes entre ces moudjahidines de l'intérieur, qui combattaient durement sur le terrain, des moudjahidines épuisés au bout du rouleau, et les dirigeants de l'extérieur qui vivaient bien à l'abri en Tunisie, et qui, eux, pensaient déjà aux luttes futures pour le pouvoir. Et non parce que, chez certains militaires, il y avait une réelle volonté d'aboutir à ce que le général de Gaulle a appelé la paix des braves. Vous dites « chez certains militaires ». Oui, tenez, des types comme Challe. Le général Challe, le futur putschiste. Oui, bon, c'est le patron à ce moment-là. Il estime, non sans raison d'ailleurs, avoir gagné militairement. Mais politiquement, c'est autre chose, sauf si on arrive à traiter avec les combattants de l'intérieur, parce que pour lui, ça ressemblera à un ralliement, l'intégration aboutira vraiment et l'Algérie française sera sauvée. Mais est-ce que Charles ne se faisait pas des illusions ? Parce que la paix, ça ne veut pas forcément dire le ralliement. Non, vous avez raison, mais dès le départ, il y a une espèce de confusion dans l'esprit de ces militaires. Une confusion qui n'ira d'ailleurs qu'en grandissant, parce que les Junoud, comme on les appelle aussi, ont très bien entendu De Gaulle. La paix, le cessez-le-feu, si vous voulez, doit être suivi par un référendum d'autodétermination. Et en aucune façon, ils n'ont renoncé à leur objectif final, c'est-à-dire l'indépendance. Et malgré les défaites sur le terrain, le sentiment national reste très fort dans le peuple. Peuple algérien. Oui, bien bon, sûr. Revenons quand même à cette opération Tilsit. Comment ça commence ? Ça commence par l'infiltration d'un homme dans les maquis de la Wilaya 4. Bon, les Wilayas, je vous le rappelle, c'était pour le FLN l'équivalent de nos départements. Et la Wilaya 4, c'est l'Algérois, une région militaire qui est donc très très importante, et qui a à sa tête un dirigeant intelligent et déterminé, Sisala. Et l'homme infiltré, qui est-ce ? Un légionnaire, soi-disant déserteur. Et quelle est sa mission exacte ? S'informer, mais aussi faire de l'intox. Et pour ça, les gens du BEL étaient très très forts. Et quand je dis faire de l'intox, ça signifie miner le moral des Felagas, leur faire comprendre qu'ils ont perdu sur le terrain, mais aussi, et ça c'est le plus subtil, leur faire savoir que le commandement français prépare un plan de paix. Mais donc, à quoi bon continuer à se battre ? Voilà, et ça marche. Parce qu'au début 60, nos services d'écoute captent des échanges de messages entre Sisala et le GPRA à Tunis. Et le contenu de ces messages est absolument passionnant. Sisala engueule, passez-moi le mot, il engueule Boumediene, le chef d'état-major de l'ALN, c'est-à-dire son patron militaire. Et quels sont ses griefs ? Ben, il en a marre. Le moral de ces gars est au plus bas, certains désertent, et puis les renforts promis n'arrivent jamais. Alors Sisala menace. Vous, qui vous prélassez à l'extérieur, faites attention, De Gaulle nous propose la paix des braves et l'égalité entre musulmans et européens. Si vous ne nous donnez pas les moyens de poursuivre la guerre, nous allons finir par accepter ces propositions. Et comment ils réagissent à Tunis ? Ben, ils sont estomaqués. Tellement même qu'ils demandent une confirmation du message. Ils n'y croient pas. Non, ils imaginent qu'il s'agit d'une nouvelle manœuvre des services secrets français. Alors Sisala envoie un deuxième message, et celui-là encore plus violent, et Tunis répond « Pensez à la révolution et attendez les instructions ». Pas très encourageant comme réponse. Non, mais pour le BEL, c'est formidable. Et l'opération Tilsit va pouvoir enfin entrer dans sa phase active. Enfin là, c'est Paris qui va tout téléguider, Paris, c'est-à-dire directement l'Élysée. j'émets des doutes sur tes sentiments. C'est que je redoute l'usure du temps. Si l'envie te prenait de me quitter comme ça, est-ce que je pourrais envisager la vie sans toi? Je pense qu'à ça, je dors plus la nuit. J'ai soudain l'impression d'être en sursis. Et je perds la tête. J'ai peur que tu t'en ailles. Et ça me rend folle. C'est profond comme une entaille, comme une drôle de blessure qui me dit que jamais rien ne dure. Et quand je suppose qu'entre nous c'est fini, je ne te propose que des conflits. La peine de devenir invivable, parce que je t'aime. Tu es tout ce que j'ai dans la vie, mais quand j'ai l'impression d'être en sursis, oh, je perds la tête. J'ai peur que tu t'en ailles, et ça me rend fou. C'est profond comme une entaille, comme une drôle de blessure qui me dit que jamais rien ne dure. Alors je perds la tête. J'ai si peur que tu t'en ailles, et ça me fait mal jusqu'au fond de mes entrailles. Ça me fait mal, tellement mal, quand j'ai peur que tu t'en ailles. Alors je perds la tête, je déraille. Ça me fait mal, tellement mal, mais je te jure que je le ferai plus. Oh, dis-moi que tu m'en veux plus. Avant de poursuivre, un mot sur ce fameux bel bureau d'études et de liaison et son chef, le colonel Jacquin. Voici ce qu'écrit Yves Courrière dans sa monumentale et passionnante histoire de la guerre d'Algérie. Je cite mon confrère. « Jacquin était l'un des plus mystérieux colonels de cette armée d'Algérie qui en comptait beaucoup. La cinquantaine sèche, grisonnante et coléreuse, de taille moyenne, Jacquin était considéré comme un seigneur par les rares hommes qu'il avait sous ses ordres. D'abord, en dehors de fréquentes colères, il parlait doucement et aimablement, mais sans jamais une once de familiarité. Ensuite, bien qu'il ne l'évoquât jamais, il traînait avec lui sa légende d'ancien des brigades internationales pendant la guerre civile espagnole. Enfin, au sein du Bel, il montait des coups faramineux dont il réservait les récits au seul chef dont il dépendait directement, de l'ouvrier, Châle, puis Crépin, et le cabinet du général de Gaulle. En dehors du président de la République, du délégué général et du commandant en chef, personne ne connaissait le détail des activités top secrètes du mystérieux colonel Jacquin. Voilà, reprenons, quand vous dites l'Élysée, c'est donc le général lui-même qui pilote l'opération. Exactement, il a donné son feu vert. Et c'est l'un de ses proches, Bernard Tricot, qui va agir en personne, en liaison bien sûr avec le Bel. Tricot vient donc en Algérie. Bien sûr. Il est accompagné par un colonel qui appartient au cabinet du Premier ministre Michel Debré. Et sa mission, C'est donc de prendre contact avec Sisala. Oui, avec ces hommes de la Wilaya 4, qu'on appelle d'ailleurs les gaullistes. Les gaullistes. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont prêts à discuter avec le gouvernement français. Absolument. Et surtout parce qu'ils ont trouvé positif le discours de De Gaulle sur la paix des braves. Donc, Tricot arrive à Alger, Lebel lui a préparé le terrain, un vieux chèque de Médéa sert d'intermédiaire, et au début du printemps, la première rencontre a lieu. Bon, inutile de dire qu'elle a été préparée dans le plus grand secret. J'imagine, oui. Bon, faut pas oublier que c'est quand même la première fois que des officiels français, pas n'importe lesquels, vont parler avec des rebelles, des félagas, comme on dit avec un certain mépris. Et alors que la guerre continue toujours. Oui. Et que les représentants de Sisala qui vont à ce rendez-vous sont à la merci d'une mauvaise rencontre, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'était une patrouille, par exemple. Et exactement. Alors, les gens du Bel se sont débrouillés pour que ce soir-là, les environs de la préfecture de Médéa soient déserts. Bon, c'était pas évident. Parce qu'il fallait quand même imaginer de vraies fausses bonnes raisons pour persuader le commandement militaire local d'évacuer les lieux. Bon, enfin, elle leur dit, au début de la nuit, trois hommes en burnous sont pénétrés discrètement dans les jardins de la préfecture. Quelques instants plus tard, ils se trouvaient face aux représentants personnels du général de Gaulle. Et comment ça s'est passé, cette première rencontre ? Bah, écoutez, j'étais pas sous la table, hein, mais enfin, d'après ce que nous avons su assez rapidement, le contact entre les gens de Sisala et Bernard Tricot a été plutôt agréable. Agréable, si. C'est quand même un adjectif un peu curieux. Si, mais je vous assure, enfin très vite, en tout cas, beaucoup plus vite que prévu, Tricot, l'homme de Matignon et les trois représentants de la Wilaya 4 ont trouvé un terrain d'entente. Alors, sur quelle base ? Les conditions d'un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu dans l'honneur, bien sûr, c'est-à-dire pour les rebelles, une paix qui ne ressemble en aucun cas à une reddition. Donc, dès ce moment, les plénipotentiaires ont envisagé des détails pratiques, c'est-à-dire la remise des armes, l'avenir des maquisards, et surtout les conditions d'un scrutin d'autodétermination, je dois dire que c'était presque inespéré. Les deux Français ont eu soudain l'impression que la paix était là, à portée de main, enfin. Ouais. Et vous y avez cru, personnellement ? Sur le moment, oui. Oui, bon, et la suite allait me confirmer dans ce sentiment, parce que très vite, il y a eu une deuxième rencontre, mais toujours avec les mêmes. Et à nouveau, le contact a été bon, très bon même. Les rebelles acceptaient toutes nos conditions. Comme l'a dit Paul de l'Ouvrier, ce n'était pas une reddition, mais ça en avait tous les effets. Seulement, il fallait aussi convaincre les chefs de zone et ensuite les autres wilayas, vous comprenez ? Et ça, c'était peut-être plus difficile. Parce que dans les autres wilayas, on voulait continuer la guerre. Ça, on n'en savions rien à ce moment-là. Nous savions seulement que sur l'ensemble du territoire algérien, les Moudjahidines étaient dans une situation absolument désespérée. Donc finalement, on demandait à Sisala de persuader les chefs de zone et les autres chefs de wilaya. Oui, mais alors pour ça, il nous a demandé un délai de 2 mois et nous ne pouvions qu'accepter. Et en témoignage de notre bonne volonté, Charles a pratiquement interrompu les opérations militaires sur la zone contrôlée par la Wilaya 4, une zone qui représentait pratiquement les trois quarts de l'Algérie. Alors, de l'autre côté, enfin à l'extérieur, Tunis et le GPRA, qu'est-ce que c'est ? Sisala, enfin ses représentants, Si Lakhdar et Abdelatif en particulier, disaient en quelque sorte la légitimité, c'est nous. Les combattants de l'intérieur, si nous concluons un accord, les autres devront bien s'aligner. Et nous avons eu confirmation de ces propos dans un nouveau message de Sisala au GPRA. C'était quasiment une mise en demeure et une mise en accusation en règle. Donc vous pensez que Sisala était sincère ? Ah oui, absolument. Le drame, c'est que de l'autre côté, la sincérité n'était pas au rendez-vous. Vous parlez de l'autre côté, là. C'est Tunis ou le côté français ? Le côté français, mais bien entendu. Et au plus haut niveau. Et Sisala, le malheureux, allait servir de monnaie d'échange dans une partie qui allait le dépasser. Mon cœur est grand comme un aéroport. Retrouvons Patrick Pénaud pour Rendez-vous avec X sur France Inter. D'après Roger Faligot et Pascal Krupp, auteurs de La Piscine, un livre consacré à l'histoire de nos services secrets depuis la guerre, c'est un homme du colonel Jacquin, le capitaine E, qui a travaillé à instiller peu à peu un climat de méfiance entre le GPRA et la Vilaya 4 de Sisala. D'autre part, le colonel Jacquin a publié dans un livre intitulé La guerre secrète en Algérie, le dernier message adressé par Sisala au GPRA, message évoqué tout à l'heure par M. X. Je vous en donne quelques extraits significatifs. Puisqu'il semble définitivement établi que nous ne pouvons entretenir entre nous qu'un langage de sourds, nous nous permettons de vous envoyer ce dernier message. Vous avez interrompu radicalement tout acheminement de compagnie et de matériel de guerre depuis 1958. Vous avez tout le temps méconnu la situation du peuple et de l'ALN. Vous vous êtes fait une règle de nous cacher ce qui se passe à l'extérieur, et c'est par l'ennemi que nous pouvons avoir une vue sur vos possibilités. Vous êtes enlisé dans la bureaucratie. Nous vous disons à chacun ses responsabilités. Il n'y a pas lieu de renverser les rôles. Considérant que nos dernières suggestions sont restées sans suite, nous ne pouvons plus assister les bras croisés à l'anéantissement progressif de notre chère ALN. La menace est en effet claire. Mais retrouvons M. X. Bon, soyons clairs, quand vous dites que la sincérité n'est pas au rendez-vous au plus haut niveau, vous pensez au général de Gaulle. Attendez, n'allez pas trop vite. Hein. Bon, et respectons la chronologie. Au bout des fameux 2 mois convenus, les émissaires français et algériens, toujours les mêmes, se retrouvent. Mais les Français le sentent tout de suite, il y a quelque chose qui coince. Sisala n'a peut-être pas réussi à convaincre ses collègues, les chefs de zone. Si, mais le commandant militaire de la Vilaya 4, un certain Sim Ahmed, lui n'est pas enthousiaste. C'est un type qui voit des traites partout. Et cette négociation secrète avec des représentants du gouvernement français lui paraît hautement suspecte. Et puis il y a aussi l'attitude des autres chefs de Vilaya. Pour les persuader, dit soudain les Algériens, l'Agdar, il faudrait frapper un grand coup psychologique, rencontrer par exemple une haute personnalité politique française. Ouais. Si je comprends bien, les émissaires de la Vilaya 4 voulaient faire la preuve de leur représentativité, c'est ça. Exactement, et Bernard Tricot reprend aussitôt la balle au bon, donnez-moi 48 heures. Donc il a déjà une idée. Bon, il faut d'abord qu'il en réfère à Paris. Mais à mon avis, oui, il a déjà une idée derrière la tête. Et 48 heures après cette entrevue, il annonce aux Algériens qu'il est prêt à les conduire en métropole. Entre-temps, un texte d'accord a été mis au point. Il est donc prévu que les rebelles déposeront leurs armes en gardiennage. C'est le mot exact utilisé dans les gendarmeries. Gardiennage, Ça me paraît bizarre comme mot. Mais bah, il fallait bien ménager leur susceptibilité, n'est-ce pas? Deuxièmement, les rebelles auront toute possibilité pour rejoindre leur douar ou s'incorporer dans les forces de l'ordre. Enfin, les terroristes coupables de crimes de sang seront placés sous surveillance jusqu'à la cessation complète des hostilités. Ça ressemble quand même drôlement à une reddition. Hein. Enfin bon, revenons-en à ce voyage prévu en métropole. Les Algériens savent-ils qui ils vont rencontrer? Absolument pas. Mais ils acceptent. Et le jour du départ, un départ ultra secret, vous en doutez bien, trois Algériens se présentent. Il y a là l'Agdar, mais aussi deux inconnus. L'un, un grand type maigre d'allure sympathique, c'est Sissala, en personne. L'autre, un homme renfrogné, pas commode, c'est le fameux Sim Ahmed, le commandant militaire de la Wilaya 4. C'est le type méfiant, celui-là. Hein. En tout cas, ça veut dire que les deux chefs de la Wilaya 4 sont là, en personne. Oui, et c'est-à-dire l'importance qu'ils attachent à ce voyage. Bon, je vous passe le détail de la pérégrination secrète, Alger, Villa Coublet, puis Rambouillet, château présidentiel, où Algériens et négociateurs français logent dans le pavillon de chasse en attendant le rendez-vous. Toujours sans savoir. Toujours sans savoir. Mais on parle, on sympathise. Même le sinistre Sim Ahmed se dégèle un peu. Le lendemain matin, Tricot s'absente. Il revient à l'heure du déjeuner, et là, solennel, il annonce aux trois Algériens hébétés, le général de Gaulle va vous recevoir ce soir à 22h. Et il ne s'y attendait pas? Ah non, pas du tout. Il faut reconnaître que psychologiquement, c'est assez fort. C'est costaud, oui. Le soir, lorsque les voitures se présentent pour les transporter à l'Élysée, Sissala et ses deux compagnons sont encore sous le choc. Et comment ça se passe avec le général? Un détail d'abord. Il est bien entendu que le rendez-vous doit être ultra secret, vous en doutez. Les voitures se présentent donc à une porte latérale. À l'Élysée. À l'Élysée, oui, oui. Et Tricot a fait en sorte que le palais présidentiel soit totalement désert. Bon, il fallait que personne ne rencontre les trois maquisards dans les couloirs. D'accord, mais l'entrevue elle-même? Je sais à peu près comment elle s'est passée. Comment vous savez ça? Par quel moyen? Mais figurez-vous, ce soir-là, dans le bureau du général, il y avait un témoin invisible. C'est assez étonnant, mais comme Bernard Tricot, contrairement à toutes les règles de sécurité, n'avait pas voulu que les Algériens soient fouillés, il avait quand même pris une précaution. L'un des gardes du corps du général, mitraillette à la main, était caché derrière un rideau. Et là où il était, il pouvait tout voir, tout entendre. Et c'est grâce à lui, bien sûr, que je sais comment s'est déroulée cette extraordinaire entrevue clandestine entre trois rebelles et le président de la République. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord. On n'était pas du même chemin. Mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'art. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui. Alors que toi, t'es bien vivant et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme, car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme, et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on veut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, mes yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le temps. Dans le dernier tome de son ouvrage consacré à l'histoire de la guerre d'Algérie, Yves Courrière raconte le voyage des Algériens de Rambouillet à Paris. Et c'est assez étonnant, je le cite. La traversée des Champs-Élysées, la vision de l'Arc de Triomphe éblouissant sous les projecteurs, les mille lumières des boutiques et des voitures qui se pressaient les unes après les autres, la succession des feux rouges et verts furent autant d'émerveillements pour ces hommes simples qui découvraient Paris. Un Paris lumineux, gai, riche, insouciant, une foule joyeuse, avide de son plaisir, bien loin de la guerre et de ses préoccupations. Un monde nouveau, insoupçonné, insoupçonnable pour ces combattants dont l'horizon se limitait depuis 5 ans aux âpres djebel, aux mechtas misérables, aux caches obscures et qui n'avaient connu jadis que la vie biblique de leur douar natal ou les faubourgs misérables où se terre, la nuit venue, la foule des travailleurs nordaf. Mais revenons à la suite de mon entretien avec M. X. Je l'ai interrompu au moment où il allait me révéler comment s'était passée la rencontre entre Si Salah, Si Mohamed, Lagdar et le général de Gaulle. Je vous l'ai donc dit, les trois Algériens étaient sous le choc, très impressionnés, tellement même qu'ils ont salué militairement le général qui pourtant était en civil. C'est étonnant, effectivement. Mais l'ambiance était comment? Vous imaginez bien qu'elle était quand même tendue, mais d'emblée, le général les a mis en confiance, très habilement. Il leur a dit que la dignité devait être reconnue à tous les hommes du Djebel. Et ça ne pouvait que leur faire plaisir. Puis ils ont examiné, point par point, les détails de l'accord mis au point avec Tricot. Ouais. Donc, à cet instant, Si Salah pouvait vraiment penser que c'était une vraie négociation qui s'engageait. Tout à fait. Et quand Si Salah a dit qu'il lui fallait convaincre les autres vilayas et que pour ce faire, il avait besoin d'une liberté de mouvement, de Gaulle a tout de suite accepté un cessez-le-feu partiel pour faciliter ses déplacements. Seulement, il y avait aussi la question du GPRA. Et pour Si Salah, il était exclu qu'une négociation séparée entre Paris et les hommes de Tunis s'engage. Il a dit en substance au général, « Si vous traitez avec le GPRA, vous ne nous reverrez jamais. » C'était drôlement tendu entre le GPRA et les hommes de l'intérieur. Mais, et qu'a répondu de Gaulle alors? Il s'est contenté de dire que dans un prochain discours, il lancerait un nouvel appel en faveur de la paix des braves, mais pas un mot de plus. Ouais. Il ne fermait donc pas tout à fait la porte. Bien au contraire. Et les trois Algériens ont pu, légitimement, penser que le processus de paix était enfin bien engagé. La fin de la rencontre mérite quand même d'être racontée. Le général s'est levé, il leur a dit... Vous comprendrez bien, puisque vous êtes encore mes adversaires, que je ne puisse pas vous serrer la main, mais j'espère le faire bientôt. Et par la même procédure secrète, Si Salah et les deux autres ont regagné l'Algérie et leur maquis, assez contents d'eux, ma foi. Ouais, c'est quand même une sacrée scène. Hein. Alors, bon, la suite, puisque vous m'avez laissé entendre au début de cet entretien que finalement Si Salah avait été dupé. Bien d'abord, il y a le discours du général, quelques jours après. Et coup de théâtre, non seulement de Gaulle n'évoque pas, même à mot couvert, sa rencontre avec Si Salah, mais c'est un véritable appel au GPRA qu'il formule. Donc Si Salah, aussitôt, doit s'estimer trahi, là. Pas tout à fait. Après tout, le général ne s'était pas engagé formellement sur ce point. Mais surtout, Si Salah pense que le GPRA ne répondra pas à l'appel de Gaulle. Donc il fait ce qui a été convenu, avec l'aide plus ou moins discrète du Bel. Il commence à tourner les vilayas, sans savoir... que bientôt, le GPRA va envoyer des émissaires discuter avec Paris. Ça aura lieu à Melun. Je me souviens. Et ça provoque un tollé dans les milieux militaires en Algérie, enfin, je veux dire, dans les milieux qui savent. Donc, oui, qui savent que si Salah et ses hommes sont prêts à conclure un cessez-le-feu, et qu'ils ont peut-être vu De Gaulle. Quoi. Oui. Enfin, pour eux, cette rencontre de Melun, c'était ni plus ni moins que le torpillage de l'opération Tilsit, c'est-à-dire le rêve d'obtenir un ralliement des rebelles de l'intérieur et donc l'espoir de voir l'Algérie demeurer française. Et effectivement, le torpillage va avoir lieu. Oui, mais comment ? Bah, moi, j'ai compris après, trop tard, en fait. L'Élysée n'avait donné ce feu vert à une rencontre avec Si Salah et ses amis que pour faire pression sur les GPR. Une sorte de chantage, quoi. Si vous voulez, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Pour que ce chantage soit efficace, il fallait donc faire savoir aux GPRA qu'on avait commencé de négocier avec les combattants de l'intérieur. Mais d'une certaine façon, on dénonçait aussi ces combattants de l'intérieur. Vous avez compris. Alors maintenant, tirez-en les conséquences. Un homme, d'ailleurs, a tout de suite compris. Quand il a su que De Gaulle avait choisi de négocier avec le GPRA, il a dit « Maintenant, les purges vont commencer. » Je vais être encore plus cynique que lui. Non seulement le FLN de l'extérieur allait condamner à mort les dirigeants de la Wilaya 4, mais les Français, de leur côté, devaient faire en sorte qu'il ne reste plus côté algérien de témoins de cette fameuse rencontre nocturne à l'Élysée. Oui, il fallait que personne ne sache qu'un jour, Si Salah avait rencontré De Gaulle. Ainsi va la raison d'État pour laquelle les vies humaines pèsent bien peu. En effet, d'après les documents que j'ai consultés, l'épuration a été rapide et particulièrement radicale. Et le GPRA frappe fort. D'abord, avec l'aide d'un des négociateurs de l'Élysée, Sim Ahmed, qui tourne soudain kazakh et fait abattre les premiers négociateurs de Médéa, dont Lagdar et Abdelatif. Mais sa traîtrise ne lui portera pas chance car il tombera au cours d'une curieuse embuscade tendue par les paras du 11e choc. Or, ce bataillon est le régiment Action du SDEC, notre service de renseignement. Étrange, non ? En tout cas, ça conforte sérieusement la thèse de M. X. Quant à Si Salah, lui aussi, il a été abattu dans des circonstances confuses par des soldats du 22e bataillon de chasseurs alpins. Je dis circonstances confuses parce que le premier rapport militaire le donnait seulement blessé et que les officiers du Bel ont toujours eu des soupçons à propos de cette embuscade qui aurait peut-être dissimulé une exécution. À samedi prochain.